Salut. Vous êtes en combien de mesures là? C'est toi Stéphana qui fait le riz, putain. Ouais. Combien de batterie? Faire sur le 1 pour si tu pars sur le 1 sur la première mesure. Si tu pars sur le 1. Voilà, il y a un problème chez moi. Enfin, moi ça tombe pas sur le 1, donc je sais pas si ça vient de moi ou. Tu vois ton riff. Ok, là c'est bon. Noir qui saigne dans les barbelés. de ses fronts. Il serait temps que l'homme arrive sans l'ombre avec lui de la peur. Et dans sa bouche la salive de son impétit. Thank you. poussé. Sans moi, tu as décidé un beau jour, décidé que tu t'en allais. Sorry, Angel. Sorry, so. Balance un riff. Aïe.